Monsieur Cap marié Cap placé, arrêtez Brigaille Belmer. Monsieur Cap marié Cap placé, arrêtez Brigaille Belmer. Tout ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mandé. Tout ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mandé. Moi travaille du pour payer loyer. Wap travail du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombe babier tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombe babier tous les jours. Wap travail du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Wap travail du pour payer loyer. Pour dépenser tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombe babier tous les jours. Madame pas content, maman bien boudé. Tombe babier tous les jours. Non même garçon cap marcher remè. Cherche prend bon précaution. Non même garçon cap marcher remè. Cherche prend bon précaution. Tout ça ou fait la passer. Ça vous fait la passer na mer. Charité ou va mander. Marcher sans pantalon. Va marcher sans pantalon. Aïe, papa qui paie, papa qui paie, belle mère. Va marcher sans pantalon. Aïe, papa qui paie, papa qui paie, belle mère. Va marcher sans pantalon. Belle mère, fil pour mettre nos têtes chargées. Va marcher sans pantalon. Aïe, papa qui paie, papa qui paie, belle mère. Va marcher sans pantalon. Aïe, papa qui paie, papa qui paie, belle mère. Babo qui paie belle mère, va marcher sans pantalon. Babo qui paie, babo qui paie belle mère, va marcher sans pantalon. Belle mère vite pour le mettre dans ta chargée. Va marcher sans pantalon. Babo qui paie, babo qui paie belle mère, va marcher sans pantalon. Babo qui paie, babo qui paie belle mère, va marcher sans ni l'argent, pas ni femme. Pour un plus belle mère aux États-Unis. Ah, mes amis, la reine. Dominique, no love. Mais pas qui pire là. Ça même, j'ai boulot à moi, oui. Ça, c'est ça, pas moi. Pour que belle ma Haïti, je suis dans la porte là. L'a surveillé, par exemple, l'a fini. Ma choix est rentré. L'a fait radiographe. Li baille la donne. Li baille la donne. Mes amis, la ville au